Les découvertes musicales de Fadjet. Découvrez l'univers musical de Mythos. Son premier titre s'intitule « Chacun son tour ». Qui suis-je si je me donne pas des racines? Une religion, une famille, un nom, une patrie. Une profession, des amis et plein d'ennemis. Qui suis-je? Si l'homme ne connaît pas son origine, alors il est voué à poursuivre la dopamine. On va tous mourir, tout ce qu'on a pu bâtir, tout ce qu'on a pu nourrir. Va juste s'évanouir. Pris dans une boucle temporelle, on oublie qu'on est mortel. Et en confond l'imaginaire et le réel. Pris dans une boucle temporelle, on oublie qu'on est mortel. Et on se réfugie dans le spirituel. On dirait que ma vie est maudite. On dirait que le monde immonde m'évite. Quoi que je fasse, quoi que je tente, je subis la même sentence. Espoir, désespoir, réussite puis défaite. Jamais ça ne s'arrête. Tout plaisir savouré te propulse vers l'illimité puis s'ensuit. Disgrâce empilée, et les unes sur les autres te font détrôner. Et de ton haut édifice tu te retrouves abandonné. Là où tout a commencé. Pris dans une boucle temporelle, on oublie qu'on est mortel. Et on confond l'imaginaire et le temporelle, on oublie qu'on est mortel et on se réfugie dans le spirituel. Chacun son tour, on porte un masque tous les jours. Soit les autres jouent le jeu, soit on en souffre tous les deux. Chacun son tour, on porte un masque tous les jours. Chacun son tour, on porte un masque tous les jours. Soit les autres jouent le jeu, soit on en souffre tous les deux. Chacun son tour.